été. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Passez un excellent lundi. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos, Natacha Stragi. Bonjour Natacha. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Manifestation d'agriculteurs wallons ce matin à Luxembourg. Des dizaines de tracteurs se sont déplacés pour se rendre au Conseil des ministres européens de l'agriculture et se plaindre de la crise qui touche toujours le secteur. Ils demandent notamment des prix corrects pour leur production. La manifestation doit débuter à 11h. Des chasseurs bombardiers F-16 se sont envolés ce matin de la base aérienne de Kleinebrogel dans le Limbourg à destination de la Jordanie. Pendant un an, ils opéreront contre le groupe djihadiste État islamique en Irak et pour la première fois pour l'aviation belge en Syrie. Les militaires reprennent une mission menée d'octobre 2014 à juin 2015 qui avait été interrompue pour raisons budgétaires. Les F-16 belges remplaceront en Jordanie les avions néerlandais. Le leader du camp du Brexit, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, dit que la sortie de l'Union européenne doit se faire sans précipitation. Il a aussi tenté de rassurer les Britanniques vivant à l'étranger et les citoyens des 28 vivant au Royaume-Uni. Il y aura une coopération européenne intense et qui s'intensifiera dans de nombreux domaines. Arts, sciences, université, protection de l'environnement, a-t-il indiqué dans une tribune parue dans un journal anglais ce matin. L'Atonium restera fermé aujourd'hui à la suite des intempéries de jeudi dernier. Le monument était déjà resté porte-close vendredi et durant tout le week-end. Les fortes pluies avaient touché notamment la cave et les installations électriques. Elles ne sont pas encore assez sèche et risque de causer un court-circuit. La météo, le temps sera nuageux. Aujourd'hui, des fines pluies resteront possibles. Les maximales, aujourd'hui, cet après-midi, entre 15 et 19 degrés. Le temps devrait redevenir sec avec des éclaircies la nuit prochaine. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, des problèmes à cause d'un chantier sur la A54. Oui, un chantier qui ne durera que la journée d'aujourd'hui et on a des files entre Jumet et Glossly en direction de Nivelles. Oui, un chantier qui ne durera que la journée d'aujourd'hui et on a des files entre Jumet et Glossly en direction de Nivelles. Un accident aussi tout à l'heure dans l'échangeur du Carrefour Léonard. Conséquence, vous perdez encore une vingtaine de minutes sur le 411 venant de Namur avec des files entre Vareys et Léonard. Pour Léonard, conséquence, vous perdez encore une vingtaine de minutes sur le 411 venant de Namur avec des files entre Vareys et Léonard. Aussi en circulation intérieure entre Haut-Titre et Grand Bigard. Et puis dans le centre de Bruxelles, ça coince encore dans le tunnel Reyers en direction du centre et dans le tunnel Reyers-Montgomery en direction de la Cambre. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à l'heure. Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est l'heure de retrouver le charmant Sébastien. Dites donc, on vous retrouve avec les infos à midi. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvaux. Le charmant Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis, ça va bien? Bonjour. Passez un bon week-end. Ouais. Prêt pour la dernière semaine avant les vacances. Ouais. Oh oui, c'est la dernière semaine avant les vacances. Mais une semaine pleine de choses à vous raconter, évidemment. Notamment, on va parler de pourboire dans le journal de la Conso, Amélie. Bah oui, d'autant que les vacances approchent, effectivement. On va partir et on va prendre sa petite mitraille dans la poche pour essayer de l'évacuer sur les tables de resto. Okay, c'est, comme ça, c'est comme ça que vous voyez le pourboire? Bah, je ne sais pas, justement. On va poser la question. On va vous poser la question. On appellera Frédéric. Frédéric Bois. Bah, je ne sais pas, justement. On va poser la question. On va vous poser la question. On appellera Frédéric. Frédéric Bois sur le lieu où il y a un match des diables. Donc, on l'appellera tout à l'heure, voir comment était l'ambiance et surtout voir comment va son bronzage et quels sont les bons plans si vous allez dans le coin cet été. Alors, on parle de quoi avec vous? On va parler barbecue et plutôt du vin qui accompagne le barbecue parce qu'on y croit quand même. On va réussir à faire un barbecue sans avoir la pluie qui nous tombe dessus et qu'on doit rapatrier tout le monde à l'intérieur. Donc, on va parler du vin, comment bien choisir son vin rosé. D'accord. Ah. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, ne vous taisez pas. Au contraire, venez nous le dire sur la page Facebook ou bien par SMS au 3063 pour 50 centimes le message. Vous pouvez également nous envoyer un email si vous le souhaitez. L'adresse est hyper simple. C'est pigeon au pluriel, attention, parce que nous sommes plusieurs, @rtbf.be. Côté musique, il y aura super sympa. Hey, ça, c'est du bon souvenir. Hein. Côté nouveauté, il y aura Jennifer. Jennifer. C'est nouveau. Il en pense quoi, Kevin De Bruyne, de Jennifer ? Je m'en bats les couilles, ça c'est le plus important. Ah ben voilà, bah écoutez, c'est son avis à lui. Hein. Vous écoutez Vivacité, ce n'est pas des pigeons, c'est jusque 13h. Bienvenue tout le monde. My bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good dripping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. Something magical, it's in the air, and my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. La technique du slip trop serrant pour Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. On a lu la page Facebook. Oui, on l'a lu ce week-end. Mmh. Évidemment qu'on l'a lu. Et vous avez réagi. On vous parlait l'autre jour des distributeurs de. Et ça, bah, ça vous a pas surpris? Mais non, vous avez été quelques-uns à nous dire que chez vous, ça existe. Par exemple, Marc qui nous dit pour les œufs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça existe en province de Luxembourg depuis déjà pas mal d'années. Et Étienne de rajouter, sympa l'idée du distributeur des œufs. Pour info, j'ai découvert il y a peu un distributeur d'appât pour la pêche devant un magasin de pêche. D'ailleurs, ça tombe bien à Namur, vers de terre, asticots à gogo. Pour une partie de pêche improvisée le dimanche matin, quand tout est fermé, c'est pratique. C'est effectivement pas mal. Alors, de l'apéro, on pouvait aussi prendre un petit café. Hein, mm-hmm. Je dis, c'est Xavier qui faisait le point sur les idées reçues concernant se dit breuvage et vous avez été nombreux aussi à partager vos avis sur la page Facebook. Surtout concernant la conservation du café. Alors Thierry nous dit « Richesse d'un breuvage qui a perdu beaucoup 10 minutes après la mouture. Le mieux, ce sont les cafés en grains, nous dit-il, consommés dans le mois suivant la torréfaction et moulus à la minute. » Plein de petits moulins bien pratiques existent. On peut même se faire un espresso en plein camping sans électricité. C'est toujours bon à voir. Nicolas de dire, on m'a raconté que c'était mieux de conserver son café moulu au frigo. Et alors là, c'est parti dans des discussions. Parce qu'il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Rory nous dit, le frigo à proscrire. Quand tu mets ton café au frigo, ça crée de la condensation. Café et condensation égale moisissure. Tant que le sac est bien fermé ou dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante, on est en Belgique, ça on ne connaît pas vraiment. Ça peut donner un petit goût, ça, la moisissure. Mais peut-être. Ça peut être sympa. Et si tu rajoutes, si en plus tu rajoutes les asticots que tu aurais été chercher au distributeur de l'air dedans, t'as le côté croquant. Franchement, c'est cool. Et donc, Claudine, de rappeler à ce monsieur Rory, t'as déjà entendu parler de Tupperware. Elle veut pas en faire la pub, mais voilà, les boîtes spéciales pour café, visiblement, sont très efficaces si vous voulez donc moudre votre café vous-même et le conserver au frigo. Et puis on va terminer avec un petit message. De François, publié sur la page Facebook de l'émission, c'était hier. Ouais, et qui nous dit « Boire de l'eau du robinet est un acte citoyen qui oblige les États, les régions, les communes à continuer à protéger l'or bleu et donc à diminuer toutes les sources de pollution, à mettre en place des projets de restauration, etc. En plus, adieu les bouteilles plastiques et vive le porte-monnaie. » Ça part dans tous les sens. Moi, j'ai envie de rajouter un « mais » parce que concernant l'eau, ok, l'eau, elle est très bonne à boire parce qu'elle est très... Mais elle a un goût. Mais non, ça dépend des régions. Ouais, oui, c'est ça, tout dépend des régions. Mais il paraît que simplement, on la carafe, on la met une heure au frigo et le goût disparaît. Mais moi, j'ai les dents sensibles, je peux pas boire l'eau. Et bien alors, après, tu la mets au frigo et puis après, tu la laisses réchauffer. Mais ça moisit alors. Enlève tes dents. J'ai enlevé mes dents. Enlève tes dents, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez des choses à nous dire aussi intéressantes que celles dont on vient de parler là maintenant, n'hésitez pas à le faire via la page Facebook ou par SMS 3063. Dans un instant, on prend la direction de Toulouse, voir comment vont les cordes vocales de Frédéric qui a assisté au match des Diables Rouges hier. Et surtout, pour les bon plan si vous partez en vacances dans la région dans quelques jours, ce sera juste après Supertramp. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité et la Une présente les musicales de Belœil 2016. Place à la danse, 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. BE ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. Chez Big Mat Cataldo, les blocs portes à prix d'usine. Des centaines de mètres carrés de parquet en promo. La nouvelle gamme de carrelage avec des remises de 30%. Prix aussi sur les bardages, bois de terrasse, dalles de jardin et meubles de salle de bain. Big Mat Cataldo, 16 rue Prébinet, à Liège, à 20 mètres du boulevard Poincaré. Souvenir de 1977, signé Supertramp, le titre Give a Little Bit, qui se traduit par qui ne se traduit pas, tiens. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil. On ne va pas être aussi violent. Frédéric de Boursu, bonjour. Frédéric. Oui. Mais qui me dit que vous êtes Frédéric, vous n'avez pas la même voix que d'habitude. Absolument, franchement tout va bien. Vous êtes en direct de Toulouse, bien. Mon petit bonhomme, vous étiez au match de Diable voilà. Rouge. On ne va pas revenir sur le score, on ne va pas revenir sur l'ambiance. Il y a eu un match hier. Nous, ce qui nous intéresse avec votre tour des stades, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit depuis une semaine, c'est que vous en profitez pour tester les bons plans pour les vacances. Hein, on est d'accord. Exactement, on reviendra sur le bilan de l'Euro dans une heure, mais ici vraiment les bons plans. Et j'en ai vraiment trouvé trois très bons en préparant ce voyage à Toulouse qui s'est préparé au dernier moment, puisque la qualification pour les huitièmes de finale nous impliquait d'aller à Toulouse, qui n'était pas prévu. On pensait plutôt aller à Paris si on était premier du groupe, on a été deuxième. Donc il a fallu improviser le tout. Alors le logement, vous avez fait comment? Vraiment super bon plan. Alors franchement, il y a deux sites de location d'appartements ou de maisons privées qui sont vraiment très connues. Airbnb, tout le monde connaît. Abritel, Homaway, c'est un petit peu moins connu. Et j'ai remarqué, mais vraiment, c'est sûr et certain, c'est vraiment moins cher. Homaway, Abritel en France, c'est environ 20 à 30% moins cher sur certaines maisons que Airbnb. Ah bon? Alors ça m'a... Ouais, y a une raison à ça. C'est qu'en fait, sur Airbnb, les propriétaires qui proposent leur maison donnent une commission à Airbnb. Tandis que sur Abritel ou Homaway, c'est un site américain aussi, c'est deux sites américains, mais avec évidemment des antennes en Belgique, en France et dans toute l'Europe, on paye en fait un paiement pour l'annonce. Donc on paye une fois pour l'année, on ne paye pas de commission au coup par coup. D'accord. Et donc, comme la commission est facturée à la personne qui prend la location, ça coûte beaucoup moins cher à Britel que Airbnb. Alors dans les deux cas, c'est vraiment très sécurisé. Juste un truc important, il ne faut plus jamais verser l'argent à la personne telle que Airbnb. Alors dans les deux cas, c'est vraiment très sécurisé. Juste un truc important, il ne faut plus jamais verser l'argent à la personne qui vous met à disposition le bien, et ils donneront l'argent au propriétaire après que la location ait lieu, ce qui garantit que la location soit réelle et soit bien. Il ne faut jamais, jamais verser. Ce sera vraiment une priorité au propriétaire qui dit « versez-moi », ça c'est des arnaques. Autre et bon ça, plan. Airbnb essaie de l'éviter à Britel, mais ils ne parviennent pas toujours. Un deuxième bon plan, très très important, c'est la location de vélo sur place, le vélo partagé. J'ai testé ça hier à Toulouse, j'avais fait à Nice, j'avais fait à Marseille un peu plus tôt, et c'est vraiment génial. Pour 1,70€, vous avez un vélo qui est gratuit pendant la première demi-heure, et qui coûte 50 cents la deuxième demi-heure. Ouais. Ça, il faut une carte Visa, alors il y a un petit défaut, c'est que vous êtes impacté de 150€ par vélo sur votre carte Visa, donc il faut avoir du cash disponible. On ne vous entend pas on bien, a perdu, Frédéric. On vous perd. Je ne sais pas où vous êtes. Si ça fait partie des bons plans, c'est peut-être la communication téléphone. Faudra le revoir. Vous nous entendez toujours? Ça revient. Voilà, ça, revient. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Voilà, c'est Toulouse. Hein, les réseaux français ne sont pas au niveau des Belges. Hein. Ouais, c'est un peu la campagne ici. Et donc, non, je disais, c'est important qu'on ait impacté de 150€ qu'on doit mettre de sa carte Visa pour pouvoir louer le vélo à la journée. Mais après, ça ne coûte rien du tout. Donc, ça m'a coûté pour avoir un vélo hier à Toulouse, pour faire tout Toulouse dans tous les sens avec mon drapeau belge sur le petit caddie du vélo, ça m'a coûté 2,50€ pour la journée et on se déplace à l'aise, on peut aller au bord de Garonne, le bon pareil point. À Marseille, le bon pareil point. À Paris, évidemment, vraiment les vélos partagés, il faut une carte Visa avec 150€ disponible par vélo et on est remboursé qu'une semaine après, c'est le seul petit défaut. Un troisième et dernier bon plan. Troisième bon plan, alors là vraiment c'est génial, c'est le télépéage. Les Français ont instauré ça, les Italiens également, même dans tous les pays. Les Français, ils l'utilisent à peine. Et c'est les bandes donc de télépéage, les fameux T, qui sont libres de tout. Il faut un petit boîtier, ouais. Et ça coûte vraiment rien. Vous achetez ce boîtier, vous l'achetez même pas, il est gratuit pour l'instant si vous passez par Touring. C'est gratuit et vous payez par mois d'utilisation que 1,70€. Donc quand vous l'utilisez pendant un mois, vous payez 1,70€ de supplément par rapport au prix du péage. Quand vous n'utilisez pas la boîte, le boîtier pendant les mois creux, vous ne payez rien du tout. Alors, outre le prix, Frédéric, parce que j'ai ce petit boîtier, le plaisir de passer devant tout alors que tous les autres font la file. Oh, le bonheur c'est total. Grisant, mais c'est oui, c'est grisant. On a envie de le refaire plusieurs fois, rien que pour rire. Alors on peut passer à 40 à l'heure quand même, hein, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant et ça coûte rien. Il faut que les Belges prennent ça quand ils vont dans la France. Enfin, ça coûte le prix du tronçon quand même. Hein, c'est le prix du péage plus un petit peu de frais de d'activation. Rien, 1,70€ ouais, sur le mois où vous l'utilisez, donc que dalle quoi. Et c'est tellement de temps gagné et de plaisir, effectivement, c'est grisant, c'est formidable. Il faut prendre ce télépéage. Pour l'instant, il y a une offre chez Touring. gratuit, en plus pas de frais d'activation. Moi, je suis dans le sud, vous en profitez et vous gazez. Si vous êtes dans le nord aussi, c'est valable. Ça marche dans le nord. C'est les bons plans de Fred pour aller en vacances en France. On vous retrouve dans une heure pour le bilan de 7 euros parce que vous êtes là-bas aussi pour ça. Toujours en direct de Toulouse. L'euro qui suscite la folie. Hein. Pourquoi? Mais pourquoi? On verra ça tout à l'heure. Après Jennifer, le nouveau Jennifer, on fait un point sur la presse du jour parce qu'on a repéré quelques trucs. Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigales, une farandole de produits français wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule goûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Jennifer sur Vivacité, Paradis Secret, et c'est un tube en puissance. Je pense qu'on est unanime. On est entièrement d'accord. On est entièrement pour, et j'espère qu'on l'entendra beaucoup cet été, parce que ça tombe bien cet été, nous on pas tout le monde. Non, d'accord. Bon, si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe, mais vous pouvez joindre la rédaction d'autres manières aussi, Emilie. Oui, par mail si vous le souhaitez, hein, pigeon@rtbf.be, ou vous pouvez encore le temps de cette semaine nous laisser un message au 070 222 660. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity. him. C'est le kitchen de Tata Yé. Je savais qu'il disait ça. C'était Mika avec Grace Kelly. Il est 11h28. Et si on ouvrait la presse de ce matin, ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Émilie, quasi 1 million d'euros d'amende pour incivilité en Wallonie. C'est ce qu'on peut lire ce matin. Oui, en 5 ans, le montant total des amendes a presque décuplé. Depuis leur création en 2008, les services du fonctionnaire sanctionnateur régional, donc le FR. Le FCR, c'est plus facile, ont traité plus de 7600 PV. Ils ont donné suite à 2162 transactions, des poursuites par le parquet. Bref, le montant total des amendes infligées par ce service a explosé entre 2009 et 2014, en passant de, grosso modo, 96 000 à quasiment 900 000 euros d'amende. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, quand même. Alors, exemple d'amende, combien ça coûte un flag de jetage de mégots en rue? Bah, je vous pose la question. Je ne sais pas. 100 euros. 50, moi je dis 50 euros. Alors mégots, 100 euros. La canette vide. Pareil. 50. 100 euros. Ah aussi. Ouais. Le chewing-gum. Ah ça c'est une saloperie. 250 euros. 12 000 euros. Non, c'est 100 euros. Ouais. Un sac poubelle, si vous jetez un sac poubelle. Ça, c'est plus cher. C'est plus cher. 200 euros. Ouais. Non, 150. En fait, ça varie entre 100 et 150 euros. Si vous jetez des cartons, c'est 150 euros. Et des bouteilles, c'est 100 euros. Mais donc finalement, mis bout à bout, ben, ça, on arrive à... Ah bah oui, à... tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez. Autre chiffre, on continue avec un autre chiffre. Ouais. 3 millions d'euros par an, c'est ce que coûtent les déchets d'hygiène corporelle jetés dans les égouts wallons. Oui, alors coton-tige, serviettes hygiéniques, tampons, ronds à démaquiller, préservatifs, lingettes imprégnées, tous ces produits sont des véritables catastrophes environnementales pour les égouts de comment manière générale. On peut penser à foutre ça dans les égouts, quoi. Eh bien, parce qu'il y a déjà un manque de sensibilisation et surtout sur certains emballages, et je vous invite à le faire, et sur certains emballages, on mentionne qu'on peut jeter par exemple les lingettes dans les égouts, donc c'est-à-dire dans les toilettes, ouais. Alors que ces lingettes sont composées de fibres de cellulose non tissées. De ce fait, elles ne se désagrègent pas comme il faut dans les égouts. Elles et ça peut boucher votre tuyauterie aussi. Ça bouche vos égouts à vous, vos tuyauteries. Et ces nouveaux produits donc, perturbent gravement le fonctionnement des conduites et installations d'assainissement, d'où l'augmentation du nombre et le coût des opérations. Nettoyage des grilles, vannes, pompes, bref, 3 millions d'euros par an pour des petites lingettes imprégnées. Dans les... Pas bien. Non. Bon, autre article à lire dans la DH. Oui. À quelques jours des départs en vacances, eh ben c'est toujours bon à savoir le sujet délicat des pourboires. Oui, alors qui donne un pourboire autour de la table? Je sais pas, par exemple pour le resto, le taxi. Oui. Ouais. Le taxi, je le prends jamais, mais le resto, je le fais, oui. Mais dans tous les pays du monde entier? Mais je sais qu'il y a des. Par exemple, aux États-Unis, on est obligé. Ça ouais. fait carrément partie du salaire de la personne qui nous c'est sert. Ça, donc ouais. on est obligé. À partout ailleurs, oui, mais un petit pourboire. Quoique les pourboires ont augmenté parce qu'on mettait 20 francs belges, maintenant on met 1 euro, 2 euros. C'est clair. Alors les habitudes diffèrent évidemment en fonction des pays. Il faut savoir que les Américains et les Russes qui viennent donc chez nous sont les plus généreux. Et sachez que si c'est une coutume qui se perd parfois, elle fait partie... elle fait plus que partie de la norme dans certains pays que vous risquez de fréquenter pendant vos vacances. Donc aux États-Unis de fait, il est impensable de quitter un resto sans se montrer généreux. Pour cause, c'est ce que vous disiez, le salaire est très bas. Et donc il faut laisser entre 15 et 20% ouais. de pourboire par rapport à la note globale. Alors les Russes, c'est parfois une manière de montrer aussi qu'ils ont plein de sous, c'est pour ça qu'ils sont très très généreux. Les Allemands aussi ont l'habitude de laisser une petite pièce. Alors en revanche, évidemment, même si en France, ils en ont l'habitude, nos voisins ne se montrent pas spécialement généreux quand ils viennent chez nous. Mm-hmm. Alors, pour vous donner un petit exemple, si vous allez aux États-Unis, pour le taxi, vous devez laisser 20% de la course, entre 15 et 20% pour le resto, 1 ou 2 euros pour le bagagiste quand vous allez à l'hôtel, et vous pouvez laisser entre 5 à 10 dollars pour le guide touristique si vous avez l'occasion de faire un tour. Si vous allez en Italie, vous pouvez laisser, si vous le souhaitez, un pourboire au taxi, mais c'est pas obligatoire. Enfin, voilà, vous n'allez pas vous faire taper dessus si vous le faites pas. Maintenant, vous pouvez laisser une petite pièce, c'est recommandé quand vous allez chercher votre café ou quand vous allez au resto. 1 ou 2 euros également par bagage, et 1 ou 2 euros aussi pour le guide touristique. Alors, c'est à lire dans l'ADH, hein. Vous avez un petit tableau qui est très bien fait parce qu'il nous parle des pourboires donc en Espagne, en Portugal, donc en Europe, en Grèce, hein, pour ceux qui partiraient éventuellement dans les prochains jours, sachez-le. Et alors aussi en Thaïlande, Maroc, les pays un petit peu plus lointains, Canada, hein, ou Royaume-Uni, tiens aussi, si vous allez à Londres pendant les vacances, sachez que vous devez payer 2 livres par bagage. Sinon, il y a les radins qui donnent rien aussi. Voilà. Ça, c'est éventuellement. Et puis tu pars, et puis tu t'en fous, voilà. T'es touriste, tu ne reviendras exactement. Plus. Exactement. Et j'aurais voulu vous parler de plein d'autres choses, sauf que la presse de ce matin, vous vous en doutez, était un petit peu cannibalisée par les résultats sportifs. Ah bon, c'est donc ça. Bon, ça, c'était ce qu'on a quand même pu sortir de la presse du jour. On part sur les routes. Comment ça se passe, Caroline Gillet ? Bien, globalement, c'est assez calme, mais on a tout de même ce véhicule en panne dans l'échangeur du Carrefour Léonard. C'est en voie de droite dans la bretelle qui relie le 411 venant de Namur au ring de Bruxelles en direction de Zaventem. Conséquence sur le 411 qui vient de Namur, justement, vous perdez encore une vingtaine de minutes avec des fils entre Overijse et Léonard. Sur le ring, en circulation intérieure, le tronçon le plus ralenti entre Hautitre et Grand Bigard, vous perdez une quinzaine de minutes. Et puis, des fils aussi dans le centre de Bruxelles, et notamment dans le tunnel Reyers-Montgomery vers Montgomery et dans le tunnel Reyers-Centre en direction du centre. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Une info incroyable, la DH double la durée de votre abonnement. Abonnez-vous maintenant 6 mois et recevez 6 mois entièrement gratuits. Oui, vous avez bien entendu, nous doublons la durée. Mais vite, vous avez 48 heures seulement. Offre valable uniquement ces 27 et 28 juin. Prêt à en profiter ? Rendez-vous sur dh.be. Offre soumise à condition. La lingerie Féminella à Herves, maison spécialisée depuis près de 30 ans en lingerie dames et hommes. Marie-Jo, Primadonna, Simone Perel et bien d'autres marques vous y attendent. À très vite chez Féminella à Herves. Le commerce autrement, localisie.com. Localisie.com. Les émissions, les journaux, les dernières infos de votre région, le cactus, les enfants de cœur, les invités, le 8-9, le meilleur de vivacité, à volonté, en son et en images, et sur rtbf.be/ovio. Sur rtbf.be/ovio. La dose de Belgique, voici la rencontre choc des huitièmes de finale. Italie-Espagne, à suivre en direct lundi soir sur la 2, vivacité et rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love. should tell you I'm the one for her. 'Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Paul McCartney, Michael Jackson avec The Girl Is Mine. On n'est pas des pigeons. Ah, l'été et enfin, l'été est là, l'été va bientôt. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. On y croit, en tout cas, on y croit. Et avec allez, l'été, come on, come on, come on, l'été, avec la possibilité de faire un vrai barbecue digne de ce nom. Qu'est-ce que c'est ? Et non pas faire un truc à l'intérieur, retranché en dessous du parasol ou d'une tonnelle. Moi, hier, c'était sous la grêle, le barbecue. Hein. Ah oui, c'est original, ça, le barbecue sous la grêle. Au moins, on avait les glaçons pour l'apéro. Oui, tout de suite, voilà. C'était déjà pas bah oui, parce que qu'est-ce qui ne change pas à l'apéro pour un barbecue ? C'est le vin rosé, oui, ah, les chips oui. Aussi, c'est important. Parce que le vin rosé, c'est facile à déguster, tout le monde l'apprécie, notamment en période estivale quand il est bien frais. Pourtant, le rosé, c'est un vin qui est parfois mal considéré, hein, parce que certains parlent même de sous-vin quand ils parlent de rosé. Pourquoi ? Parce qu'on a l'image du cubit 5 litres acheté à 3 euros dans une grande surface, duquel sort un vin couleur grenadine. C'est en général pas le meilleur. Et pourtant, le rosé nécessite un vrai savoir-faire digne du blanc ou du rouge, et il devrait être apprécié à sa juste valeur. On en parle avec un spécialiste, Eric Boschmann est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Cuisinier, sommelier, un grand connaisseur donc de vin rosé. Eric, le rosé, on a parfois cru que c'était un mélange de vin rouge et de vin blanc. C'est pas le cas, mais alors comment il est obtenu ce rosé ? En fait, le rosé, il y a un mélange de rouge et de blanc uniquement en Champagne, en appellation contrôlée, en Europe. Et puis partout ailleurs, le rosé, c'est une macération des peaux des raisins rouges, plus ou moins longue. On peut faire ce qu'on appelle un rosé de saignée, c'est-à-dire qu'on va soustraire du liquide d'une partie de cuve quand on fait du vin rouge pour obtenir plus de couleur. Ouh là là, c'est technique tout ça. Mm-hmm. Non, on fait un vin rouge, donc on laisse macérer, mais on voit qu'on n'a pas assez de couleur quelque part pour faire un rouge dense, donc on va soustraire une partie du liquide qui va être légèrement rosé, mm-hmm. ou alors on fait ce qu'on appelle un rosé de pressurage direct, on décide de faire du rosé avec toute la cuve, et on laisse macérer moins longtemps, et puis on dégage, et en fait, tout le cycle normal de vinification. D'accord. Alors le rosé, c'est aussi un vin qui a la réputation d'être un vin plutôt bon marché. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que c'est vraiment moins cher que du blanc ou du rouge, le rosé ? Alors, de nouveau, pour reprendre le paradoxe du champagne, c'est assez drôle parce qu'en champagne, le rosé est beaucoup plus cher que le blanc. Alors qu'il est obtenu par assemblage et tout le monde accepte de payer plus cher, donc sans difficulté. Alors pour le reste des vins, je dirais que la tendance vise à effacer cette différence de prix et que l'on arrive à des rosés qui sont au même prix que pas mal de blancs ou de rouges équivalents en fait. Mmh. On n'a pas de... c'est pas moins cher parce que c'est rosé. Simplement, comme vous le disiez très bien en introduction, on fait des rosés, on les achète pas cher parce qu'on fait un bon petit rosé d'été avec un bon petit barbecue sous la tonnelle. Et un bon mal de crâne le lendemain matin, en général, qui va avec. Alors, c'est quoi les conseils pour bien choisir son vin rosé? Puisque c'est souvent un vin qu'on achète un peu par-dessus l'épaule. Hein, comme ça, on prend le premier cubi qui passe. Comment on choisit un rosé avec un bon rapport qualité-prix, Eric? Alors, je pense que c'est d'abord un bon rapport prix-plaisir, c'est de voir l'argent que l'on est prêt à mettre pour une bouteille de vin et ne pas se dire que parce que c'est du rosé, ce sera moins cher. Donc, il ne faut pas s'auto-limiter en disant, d'habitude, je prends du rouge à 5 euros, 7 euros, mm-hmm. je vais pas prendre du rosé à 3,50 euros. Il n'y a pas de miracle, hein. Une bouteille à 3,50 ou 4,50 euros, quand vous avez enlevé toutes les taxes, plus la marge de distributeur et autres, etc. Pour mettre du vin à l'intérieur, il ne reste pas beaucoup d'argent. En effet. Donc, alors, on choisit quoi ? Une région ? On choisit de Provence ? On choisit... Bon. Alors, en Provence, on fait beaucoup de rosés qui sont des rosés qui ont peu de couleurs. C'est une grosse tendance en Provence. On fait des rosés qui sont des blancs tachés, justement parce que le rosé, comme vous l'évoquiez précédemment, avec cette couleur un peu grenadine ou fuchsia qu'on peut trouver, ça fait un peu cheap, ça fait mimile, quoi. Ça fait... je bois du rosé avec mon Marcel, ma casquette en plastique. D'accord. Mais concrètement, Eric, on a vraiment besoin de conseils concrets pour choisir son rosé cet été, pour le barbecue. Moi, j'aime les rosés de Bordeaux. D'accord. Pour moi, le bon truc aujourd'hui, c'est le clairet de Bordeaux, qui est un rosé très foncé, un rouge très clair. Et c'est ça que je vous conseillerais, parce que pour aller avec un barbecue, ça marche bien. On en trouve en grande surface assez facilement. Et ce sont des vins qui tiennent bien leur rang, en fait. Et qui sont à quel prix ? On va trouver des rosés, des clairets de Bordeaux dans des prix intéressants, dans une fourchette de 7 à 10 euros. Voilà, donc alors, ça, c'est, je note. Ouais. Alors, Eric, si on parlait de vin et de rosé aujourd'hui, c'est aussi parce que le vin de l'apéro de cet été va peut-être changer de couleur. Il y a du vin bleu aujourd'hui. Non, oui. Tiens, si, je vous jure. Vraiment façon Curaçao. Donc, vraiment, le bleu, vin bleu. bleu, bien flash. C'est fait en écrasant des schtroumpfs, c'est dégueulasse. Ah ouais, voilà, c'est ça. Vous en pensez quoi de ce vin qui était inventé par des jeunes entrepreneurs espagnols qui s'appelle Geek ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le goûter ? Alors malheureusement, je l'ai goûté. Ah. Et vous avez vraiment mon avis jusqu'au bout. Ouais, oui, on est là pour ça. C'est une couillonnade sans nom, ça n'a aucun intérêt à part, et ça fonctionne très bien, le fait que l'on en parle un peu partout, ça fait le buzz. Ah, c'est un truc marketing, quoi, voilà. C'est juste pour rire. Marketing, ça n'a aucun intérêt. Gustativement parlant, vous le mettez à l'aveugle aux gens, et il est impossible de distinguer de pas mal de blancs, d'ailleurs. Ça n'a pas du tout la structure d'un rosé. Et oui, ils expliquent que c'est par des anthocyanes, ils le font comme ça. Je ne pense pas que ce soit des colorants, je pense que c'est naturel. Alors, c'est de l'anthocyanine, c'est des pigments naturels qu'on trouve dans la peau des raisins et du pigment indigo. Quand même, jusqu'à 6 à 10 euros la bouteille, donc ouais, c'est juste la blague est sympa, mais peut-être pas non plus se faire toute une soirée avec ça. Un dossier vin dans le moustique cette semaine, est-ce que vous allez aborder le vin chaud ? Parce que c'est encore d'actualité le vin chaud. Avec ou sans clou de girofle ? Non mais sérieux, vous faites ça, parce que moi je ne sais plus quoi choisir, j'aurais tendance à prendre du vin chaud. Il a été écrit dans l'espoir qu'il fasse beau un jour, j'ai commis il y a quelques jours, et donc je n'ai pas à faire de trucs sur le vin chaud, mais je promets que j'y pense en micro. C'est gentil. Merci Eric Boschmann. On marque une pause, il y a Julian Peretta qui arrive, et puis on retrouvera une séquence best-of, on vous parlera des doggy bags. Vivacité à Esneux, en toute complicité, sur 90.5 FM. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est clean, hein ? Ça oui, mais tous les objets qui étaient là, ils sont où ? Zoom, parti, transformé en euros. Chez Cash Converters, transformez ce que vous n'utilisez plus en cash. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cashconverters.be. Watch it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. Every beat of my heart. Oh, yeah. Oh, oh. Peretta avec Miracle. Y aura-t-il un miracle? Pourra-t-on sortir le vin rosé sous le soleil? J'en sais rien. Par contre, ça vous a fait réagir, le vin? Oui, Sophie nous dit... bonjour à tous. Bonjour, Sophie. pourquoi, lorsque vous parlez barbecue, il faut obligatoirement accompagner ça de rosé? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Oui, vous pourquoi pas d'une brochette? On pourrait faire aussi une saucisse choucroute. Voilà, exactement. Ouais. Vous ne buvez donc jamais de vin avec une bonne viande, sérieusement, avec une belle grillade. Suis la seule à l'accompagner de vin rouge. Mais bien sûr que non, Sophie. Un bon petit côte de Blaye, par exemple, ou un côte du Rhône, mais pas du rosé, qui, à la rigueur, irait bien avec une fricadelle, nous rajoute-t-elle entre parenthèses, ou alors une bonne bière de chez nous, Waromnit. Ben moi, je dis essayons, testons, encore faut-il que le soleil soit... De la partie. Il est toujours invité, hein, c'est vrai, mais il a un peu de mal avec l'adresse, je pense. Y a un peu de Est-ce qu'il n'y a pas du soleil? Si, il y a du soleil. Ah. Ah ben avec la fricadelle, ça va très bien. Un bon Kenji et une fricadelle. Non mais franchement... Et une bonne pils. Non. Un bon Kenji pour mettre un petit peu de soleil dans la radio. Ouais. Pourquoi pas? Et une petite sauce andalouse sur le repas de midi. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare et puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances. Comme une reine, ton corps ondule. Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire. Tu m'as dans la voix, le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau. Baila, baila, oh. Toi, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, avec Andalouse, Kenji qui sera sur la scène des Francofolies de Spa le 21 juillet prochain. Ce sera avec Vivacité. On plonge dans les souvenirs de l'émission On n'est pas des pigeons et dans nos armoires. Il y a quelques mois, Esteban nous parlait du phénomène du doggy bag. On n'est pas des pigeons, le best-of. Même si on n'a pas de chien, on peut quand même le demander. Mais avant de vous parler du doggy bag, j'aimerais vous parler de quelques chiffres. Il faut savoir qu'un tiers de la production alimentaire mondiale dans le monde est jetée chaque année à la poubelle. Alors en Belgique, selon Eurostat, Testachat, ça représente... Il y a du gaspillage, la bouffe, c'est un tiers de la bouffe produite et à la poubelle. Ouais. À la poubelle. Et chez nous, en Belgique, ça représente de 15 à 23 kilos par personne par an. Donc c'est estimé à plus ou moins 300 euros. Et selon Eurostat, ça représente 14%. 14% du gaspillage proviendrait du domaine de l'horeca. Alors le doggy bag, tout le monde connaît. C'est une tendance anglo-saxonne qui est venue. Et à la base, pour la petite histoire, c'était vraiment les restes qui étaient destinés aux chiens. Ça a fait un petit bonhomme de chemin, mais ça reste encore assez marginal aujourd'hui en Belgique. Est-ce que vous, quand vous allez au restaurant, vous osez demander les restes, vous êtes gêné? Là, je pense que dans les pizzerias, ils te proposent d'office systématiquement de partir avec la pizza. Moi, je demande. Dans les autres, je le fais surtout de la déconne, mais je le demande. Moi, je termine l'assiette. Ouais, moi aussi, je termine l'assiette la plupart du temps. Moi, je suis un petit peu gêné de le demander pour moi, en tout cas. Ouais. Pour un chien, à la limite, je veux bien, mais pour... Ouais. Bien sûr que non, après, tu peux manger le lendemain. C'est ça, tu demandes un doggy bag. T'as toujours bien un enfant qui va dire « Ah, on va avoir un chien !» Énormément de gens sont encore gênés et n'osent pas parce qu'ils pensent qu'on va penser que c'est des radins ou autre. Finalement, vous avez payé pour votre plat totalement, bah, et donc il faut le prendre en entièreté. Bon, quelles sont les nouveautés autour du Doggy Bag? Alors justement, Test Achat n'aime pas le gaspillage, tout comme nous. Ils se sont posé la question, comment remettre au goût du jour le Doggy Bag, en posant une question à leurs adhérents, comment avoir un nom beaucoup plus sexy. Donc ils ont eu plein de propositions, et le nom qui a été retenu, qui a eu le plus de votes, c'est Resto Pack. Resto Pack, je trouve encore sympa comme mot. C'est vrai. C'est beaucoup plus sexy en tout cas que Doggy Bag. Et pour les Flamands, c'est un autre mot, c'est Resto Rest. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde sait quand tu parles de Doggy Bag ce que c'est. Ouais. Maintenant, il va falloir changer. Oui, mais le resto pack, c'est assez clair quand même. Resto pack, c'est assez clair, d'autant qu'ils ont prévu d'autres choses, mais on va en parler juste après. Et on peut trouver où ces resto pack? Alors, pour l'instant, il y a Bruxelles, Gand et Liège qui participent à l'action Resto Pack, mais j'espère qu'il y a d'autres villes qui vont vite adhérer aussi à l'action Resto Pack. Mais comment on sait quels sont les restos qui adhèrent à l'action Resto Pack? Un test achat a fait imprimer 5000 stickers et 5000 boîtes Resto Pack qu'elle a fait envoyer aux restaurateurs de ces trois villes-là. Donc si vous voyez à l'entrée du restaurant qu'il y a l'étiquette Resto Pack, bah, vous savez que vous pouvez y rentrer, que vous pouvez clairement demander le Resto Pack. Mais même les personnes qui n'ont pas l'étiquette, vous pouvez toujours demander le Doggy Bag. Et au pire, évidemment. Ils disent non, quoi. Mais c'est assez rare en fait, parce que moi j'ai posé la question à plusieurs restaurateurs, et ils me disaient que eux, naturellement, ils le proposaient. Si pas, bah, c'est assez rare les restaurateurs qui refusent. Mais en même temps, c'est logique. T'as payé ton assiette. Pourquoi pas en porter si t'as pas faim. Enfin bref, peu importe. Maintenant, est-ce qu'il y a pas un risque que le restaurateur demande plus cher? Alors il y a toujours un risque effectivement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore marginal le Doggy Bag ou le Resto Pack. Si ça devient mainstream et que tout le monde le demande après chaque repas, peut-être que le restaurateur va se dire parce que vous n'avez pas mangé, ça va quand même à la poubelle. Mais oui, mais un coût supplémentaire de quoi? L'achat de la boîte. Hein. Donc il y a une boîte. S'il doit acheter une boîte, évidemment, ça coûte plus cher. Tu dois aller avec Moi je vais bien avec mon Tupperware. Il n'a pas mis ça dans ses marges de calcul. On n'est pas des pigeons, le best-of. Ça, c'est les meilleurs moments d'On n'est pas des pigeons, et ça fait plaisir de les retrouver ça de fait temps plaisir. En temps. Non mais franchement, ça fait plaisir, et c'est pour ça qu'on va encore en distiller l'heure prochaine, et jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Fin de la saison, c'est quand même c'est vendredi, puis après on part en vacances. Et peut-être que si vous avez des envies particulières de réécouter un truc, vous pourriez éventuellement nous le dire. Mais évidemment, sur la page Facebook, ça peut éventuellement se faire aussi. Si vous êtes sage et si vous écrivez bien, vous venez nous dire tout ça sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez aussi nous envoyer un email si vous avez plein de choses à nous dire, des choses positives, des choses négatives, des choses qui vous ont plu ou pas plu, nous envie de nous souhaiter une petite vacance, des bonnes vacances. Vous pouvez le faire par mail, pigeon@rtbf.be, ou par SMS, c'est également possible, au 3063 pour 50 centimes le message. En attendant, c'est la cabane du pêcheur avec Francis Cabrel. Le soir tombait de tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. J'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, si tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Tour, respire le grand air. Après, je te parlerai de l'amour si je me souviens. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Oh, elle m'a dit, Ça aussi, ça donne un petit vacances. La cabane au fond du jardin. Francis Cabrel. On va retrouver les infos de midi dans quelques secondes et on revient pour la deuxième heure juste après. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec vivacité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses. Et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Natacha Stragi. Bonjour Natacha. Bonjour, bonjour. De nouveaux soucis ce matin à l'aéroport de Zaventem. Une panne dans le système informatique qui a provoqué des perturbations, notamment au niveau des bagages. Certains n'ont pas pu être embarqués à bord des avions et quelques vols ont aussi enregistré jusqu'à une heure de retard. Un problème qui s'est déjà posé il y a trois semaines dans la même cabine électrique. Elle a sans doute été endommagée lors des attentats. Geoffroy Fabré a interrogé Anke Fransen. C'est la porte-parole de l'aéroport. Après l'incident d'il y a trois semaines, on a pris des mesures de sécurité. Donc on a demandé un changement de cette cabine. Pour l'instant, ce changement n'a pas encore eu lieu. Et la faute technique n'est pas vraiment connue. Mais vu que les systèmes ont fonctionné depuis des années, même plus de 10 années, et qu'on n'a eu que 2 incidents ces derniers mois, on peut que lier avec les attentats du 22 mars. C'est le début d'une grosse période pour l'aéroport, les vacances. Est-ce que vous ne craignez pas que ce type d'incident se reproduise à des moments de encore plus grosse affluence ? Effectivement, c'est une semaine importante pour l'aéroport. La cause technique n'est pas encore connue, mais ça ne nous empêche pas de prendre des mesures nécessaires, c'est-à-dire de remplacer cette cabine de courant. Et nous l'avons déjà demandé après l'autre incident il y a 3 semaines. Mais on va regarder maintenant, bien sûr, d'avoir ce remplacement encore à plus court terme. Nouvelle manifestation d'agriculteurs ce matin à Luxembourg. Ils se sont déplacés par dizaines en tracteur pour se rendre au Conseil des ministres européens de l'agriculture. La discussion doit porter autour d'une possible limitation de la production dans divers secteurs, dont celui du lait. Une idée qui jusqu'ici se heurtait à une vive opposition de certains pays gros producteurs comme l'Allemagne. Thierry Vingulic a contacté Daniel Collienne de la Fédération Wallonne de l'agriculture. Il espère que cette fois l'Europe pourrait entendre les agriculteurs. C'est surtout pour réaffirmer notre volonté d'avoir des mesures structurelles par rapport au marché et pas uniquement au niveau du lait mais l'ensemble des productions agricoles. En fait, ce que vous souhaitez, c'est une limitation de la production au moins temporaire. Voilà, tout à fait. Donc on sait bien qu'il n'est plus question de rétablir des quotas, mais vu la crise économique actuelle où les prix sont vraiment trop bas, il est nécessaire d'avoir une mesure ponctuelle le temps de rétablir les choses. On est plutôt ici justement en soutien avec nos ministres de l'agriculture qui plaident déjà sur les mesures que nous réclamons. Il y avait encore beaucoup de pays qui n'étaient pas du tout favorables à une régulation, mais la roue tourne et il y a bon espoir maintenant. En football, après la très belle victoire d'hier face à la Hongrie, focus désormais sur le Pays de Galles. Les Diables Rouges commenceront cet après-midi leur préparation pour le quart de finale de vendredi à Lille. Une équipe galloise que les Diables avaient rencontrée en qualification avec une défaite et un nul. Manuel Jousse a recueilli le sentiment de Thomas Meunier. Ça s'annonce beaucoup plus difficile que les précédents matchs, mais bon, on a les qualités pour pouvoir les vaincre. Il y a une revanche à prendre là quand même, hein, face ouais, à eux. Ouais, dans les qualifications, on avait fait un match nul et perdu là-bas, je pense. Donc voilà, Gareth Bale, Ramsey, des grands joueurs. Hein. Je pense que ce sera une des équipes les plus, enfin qualitativement les plus performantes qu'on ait eu à rencontrer, même plus fort que l'Italie pour moi. Au programme aujourd'hui, 2 autres huitièmes de finale, Italie-Espagne à 18h et puis à 21h, Angleterre-Islande. Caroline, des problèmes sur la E42 à cause d'une voiture sur le toit. Et oui, exactement, kilomètre 26, c'est donc à Hucorgne. Voie de droite et d'arrêt d'urgence indisponible en direction de Liège. Véhicule en panne sur la nationale 63, marche enfin mène Liège. La route du Condreau, c'est à hauteur de Méhan. Voie de droite neutralisée en direction de Liège. Et puis des ralentissements toujours pour accéder à Bruxelles sur le 411 venant de Namur entre Vereys et Denard. Et c'est 25 minutes que vous perdez sur cet axe. Sur le ring de Bruxelles, dans l'échangeur du Carrefour Léonard, un véhicule est en panne. La voie de droite est neutralisée. Cela se passe dans la bretelle qui relie le 411 venant de Namur au ring de Bruxelles en direction de Zaventem. Et puis sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure entre Hautitre et Grand Bigard, vous perdez encore un quart d'heure. C'est le dernier tronçon ralenti à cette heure-ci. Dans le centre de Bruxelles, ça coince encore dans les tunnels et notamment le tunnel Reyers-Montgomery vers Montgomery et le tunnel Reyers-Centre en direction du centre. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Voilà Sébastien, c'est Manu Delporte qui prend le relais. Merci Natacha, bel après-midi. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Voulez-vous connaître le programme de cette deuxième heure? Oh oui, avec grand plaisir. Nous allons parler de glace avec Robert Rémy. Tout à fait de saison. Tout il y a qu'à la mettre dehors, elle ne va pas fondre. Du tout. On reparlera avec Julie des parcs d'attractions. Ça, c'est une belle activité pendant les vacances, les parcs d'attractions avec les enfants. Et quand il pleut, il y a moins de monde. Voilà. Ouais, mais par contre, il faut commencer à économiser. Il faut juste se mettre à économiser maintenant pour payer l'entrée. On verra pourquoi. Ils coûtent si cher, ces parcs d'attractions. Et puis alors, nous allons tenter, entre deux averses, de tondre la pelouse. Ouais, mais une pelouse un petit peu particulière, avec un appareil un petit peu particulier. Oh, que de mystère! Mais non, c'est quoi? Ben attends, la pelouse... Oh, ça va. Mais c'est un appareil qui s'occupe de la pelouse synthétique. Bien sûr. Mais c'est une première mondiale et... Mais il y a plein de choses à faire avec la pelouse synthétique. Tondre une pelouse synthétique. Exactement. Mais évidemment. Chérie, je peux pas, je dois tondre la pelouse synthétique. Bien c'est sûr. Aussi bon que l'excuse du poney aquatique, ça. J'ai poney aquatique. Je peux pas, j'ai poney aquatique. Dites, si vous avez des choses à nous dire, dites-le. Ben, allez-y. Voilà. Non, mais dites-le. Non, on s'en fout, dites-le. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Côté musique, il y aura Blooms. Votre voisin, votre, je sais pas, des embouts de médicaments. Envoyez-nous des pigeons voyageurs. Oui, voilà, il y aura Adèle aussi. Le principal finalement, c'est de s'exprimer. Exactement, s'exprimons-nous. S'exprimons-nous autour du repas de midi, parce qu'il est midi 7 là. I don't know why. just stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. It's a possible time. I can hear the birds. Diableur sur Viva avec Castle in the Snow. Mais cette circonstance. Mais oui, la neige, c'est logique, on est fin juin, il n'y a que ça. Dites, dans quelques semaines, il fera peut-être beau, je l'espère. Dans quelques semaines, vous irez peut-être. Quelques jours. Oui, ce serait mieux. Oui. J'espère que vous irez dans un parc d'attractions. Et on le disait il y a quelques minutes, commencez à économiser maintenant parce que c'est un petit peu cher. Donc, on plonge dans les souvenirs de cette émission. Il y a Julie qui, il y a quelques semaines, nous expliquait pourquoi on payait justement si cher les entrées dans certains parcs. On n'est pas des pigeons, le best-of. Qu'est-ce que vous faites quand il fait beau avec les enfants, vous faites quoi en général? Un tour près de la Meuse par exemple. Ouais. Bah, vous êtes dans un parc, balade, ou un truc comme ça. Moi je vais dans un parc. Oui, un parc. Oui, pourquoi pas. Genre le parc animalier qui a la côte là, et qui était rempli l'autre jour à 13h parce que overbondé et plein à craquer. Il était overbondé, plein à craquer, mais c'est normal, hein, ça amuse les petits, ça les ouvre à la nature. Et puis nous, ça nous amuse aussi, hein, les grands enfants que nous sommes, voir un petit Bambi ou voir une loutre virevolter, ça nous fait quelque chose dans le cœur. Elle virevolte les loutres. Elle virevolte les loutres. C'est quel parc là dont vous parlez? Le parc dont on parlait, c'est celui où il y a les pandas. Oui, voilà. Malheureusement, le problème, c'est qu'aller dans un parc animalier, faut faire des fois un emprunt sur 10 ans. Hein. Ouais, c'est super cher. C'est super cher. Si vous êtes en famille. Mais bon, le tout, c'est de savoir pourquoi. Parc animalier, faut faire des fois un emprunt sur 10 ans. Hein. Ouais, c'est super cher. C'est super si cher. Si vous êtes en famille. Mais bon, le tout, c'est de savoir pourquoi. Ah, oui. Évidemment. Eh bien, savez-vous que Michel Toussaint a réalisé un reportage qu'on verra ce soir, justement, dans l'émission. Et il va nous faire découvrir 3 parcs animaliers en Belgique. On le découvre un petit peu en coulisses, parce qu'il représente tout de même plus de 4 millions de visiteurs chaque année. Alors, on va essayer de deviner autour de la table. Les parcs, 3 parcs animaliers en Belgique. Allez-y. Plankendal. Oui, Plankendal. En-sur-Lesse, oui. Troisième. Ben, on en a parlé. Péridaïsa. 1 750 000 tickets vendus l'année dernière grâce au panda, vous le disiez évidemment. Et voilà, Péridaïsa marche très bien, mais plein d'autres parcs avec des spécificités et des thèmes propres. Hein. Par exemple, En-sur-Lesse, vous le disiez, ou à Plankendal. L'activité se limite pas seulement à montrer les animaux au public, mais la volonté est aussi de s'inscrire dans un processus de préservation de la biodiversité. Et c'est des projets, évidemment, qu'il faut financer. Ah, ben du coup, oui, c'est pour ça qu'on paye alors, évidemment. Bah oui, par exemple, pour entrer dans le zoo d'Anvers ou au parc de Plankendal, le visiteur payera entre 19 et 24 euros selon l'âge, entre 11 et 17 euros à En-sur-Lesse et entre 26 et 31 euros à Péridaïsa. Une partie de cet argent servira aux projets scientifiques, mais surtout à l'entretien et aux investissements dans le parc. Les budgets pour de telles entreprises sont assez énormes. Hein. Vous avez parlé de projets scientifiques ? Oui, et bah, ces parcs ont souvent une mission scientifique. Ils sont d'une importance cruciale dans la conservation des espèces menacées, aussi bien les oiseaux que les mammifères, les poissons, les reptiles. Ils ont aussi au centre de leur philosophie le bien-être animal. Hein, on le voit, ils sont quand même bien traités, les animaux. Et ça permet de les découvrir, les étudier, de les protéger et de les respecter. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas assez éduqué justement à la bienveillance envers la nature. Et ça a quand même une mission assez importante. Et la conception des parcs a évolué aussi considérablement. Hein, c'est fini les petites cages. Enfin, sauf évidemment peut-être encore aux zoos d'Anvers parce qu'ils sont un peu étriqués au centre-ville. Mais sinon, c'est des grandes cages maintenant. Hein. Oui, ils sont très bien soignés, respectés et l'habitat naturel est reconstitué. Bien sûr, ces parcs font des bénéfices hein, plus ou moins importants. Pour le zoo d'Anvers, je vais y arriver, je suis un petit peu malade, vous l'entendez. Qui est une si vous courez dans les bois après les animaux, dans forcément. Les bois, après les biches, après les virevoltantes. Ouais. Mais enfin bon, le zoo d'Anvers est une association sans but lucratif et elle a pu consacrer 30 millions d'euros à de nouveaux investissements l'année dernière. Mais bien sûr, en tant qu'ASBL, elle ne doit pas rémunérer les actionnaires. faire. Donc voilà, il y a quand même. Et les autres, c'est des associations lucratives sans but. Voilà. Il y a quand même moyen de. Recherche scientifique. Oui, recherche scientifique, il y a tout un processus. Les œufs d'Anvers, c'est plein de Gandalf, c'est la même chose. Oui, oui. Et si vous voulez voir des animaux de manière gratuite, hein, parce qu'on a aussi envie parfois de ne pas payer, bah vous pouvez aller par exemple au parc de la Boverie. Là, il y a des volières, on peut voir des lapins, exactement à Liège. Alors à Liège aussi, sur le parking de l'hôpital de Raucourt, on peut voir des petites biches, des biches qui ressemblent à des daims. On peut aussi aller à Uccle, au parc de la Sauvagère. Il y a un lama, il y a des paons, il y a tout ça. Donc voilà, il y a quand même moyen, si on regarde un petit peu autour de nous, d'aller voir des animaux gratuitement. Ça leur fait toujours plaisir aux animaux. Dans les bons plans, on en a parlé la semaine dernière, justement, le lendemain, où Peridaïsa était oversaturé. Oui. Le lendemain, oui, on en parlait avec un des responsables du zoo de Lille. Mm-hmm. C'est un zoo municipal, en pleine ville, et c'est entièrement gratuit. C'est peut-être une bonne destination, parce que c'est pas trop loin, Lille, hein, voilà, Frédéric. Absolument. Et il y a plus de 70 espèces. Il y a le rhinocéros, le zèbre, tout ça à Lille. Il ne faut pas oublier, effectivement, on en parlait, les grottes de Hans, c'est la seule attraction 3 étoiles dans le guide Michelin, avec désormais Peridaïsa qui s'est rajoutée. Donc c'est vraiment les deux grosses attractions wallonnes, grottes et Safari de Han et Peridaïsa qui ont 3 étoiles au Michelin. On est très fiers de ça. On n'est pas des pigeons, le best-of. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Tifosis y aficionados de Bélgica, ya viene el choque del euro. Italia-España en directo este lunes en la 2 Vivacité, irtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Envie de vibrer où, quand et comme je veux ? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. You got me wrong and that's a fact. Spice Girl, c'était Kongs sur Viva. C'est délicieux, delicious. Que c'est bon. Voilà. Nous sommes lundi, on accueille Robert Rémy. Bonjour Robert. Bonjour. Vous nous parlez d'un truc qui, alors moi, m'intéresse parce que je suis un fan de la glace, évidemment, la glace qu'on mange en été. Mais pourquoi vous nous parlez de ça maintenant ? Bah oui, c'est vrai que c'est un peu. Je me suis trompé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue quand même. Non, allez, vous nous parlez de la choucroute maintenant. Alors, la glace, par définition, c'est quoi ? Techniquement, comment ça se passe ? Selon le type de glace, c'est un mélange de produits laitiers, de sucre, d'arômes, d'eau, de divers additifs comme des épaississants ou des colorants. Alors, ce mélange, on l'introduit dans un congélateur industriel et on y injecte de l'air, dont nous reparlerons. Et air et congélation vont transformer ce mélange liquide en une pâte qui, elle, sera par après moulée à la forme souhaitée. Alors, crème glace, glace à l'eau, sorbet, il y a plein de trucs et c'est pas la même chose. Non, alors pour la loi, il y a 4 dénominations précises qui sont autorisées. Alors la plus connue, c'est crème glacée. Bon, elle est composée de lait écrémé, de sucre, d'eau, d'arômes, selon le goût souhaité. Et dans le cas de la crème glacée, eh bien la teneur en matière grasse du lait doit être au minimum de 8%. Vous avez une deuxième dénomination qui est la glace au lait. C'est identique à la crème glacée, mais dans ce cas-là, la teneur en matière grasse de lait ne doit être, elle, au minimum que de 2,5%. Alors les deux dernières dénominations, c'est le mot glace, tout simplement. Là, il s'agit d'un mélange d'eau, de sucre et de graisses alimentaires d'origine très très variable, végétale ou autre. Indéterminée. Presque indéterminée. Et enfin, vous avez, je dirais au bas de l'échelle, mais même si ça peut plaire, surtout aux enfants, c'est la glace à l'eau. Mm-hmm. C'est de l'eau, du sucre et des arômes, tout simplement. Vous parliez d'air tout à l'heure, on rajoute de l'air. Pourquoi on rajoute de l'air ? Combien d'air il faut dans une glace ? Oui, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Sébastien, de pourquoi vend-on de la glace au volume et non au poids ? Parce que pourtant c'est un produit solide. Hein, ouais, clairement. Parce qu'il y a de l'air dans la glace. Et ajouter de l'air dans une glace, c'est nécessaire, dirais-je, parce que ça lui donne l'onctuosité. Mais point trop en faux en la matière. Et c'est vrai que le législateur, il s'est montré assez tolérant, puisque il est ainsi prévu qu'un litre de glace ne doit peser au minimum que 450 grammes. Ah ouais, d'accord. Alors, en pratique, pourtant, on constate ainsi des valeurs allant de 450 grammes au litre à 800 grammes au litre. Autant de différences, bien entendu, qui justifient non seulement la qualité gustative, mais le prix aussi. Et pour nous, consommateurs, je pense qu'il serait vraiment nécessaire et utile, c'est que nous connaissions aussi le prix au kilo et pas le prix au litre. Dites, alors, la glace, moi j'aime bien, mais c'est... Alors, calories, on se fâche tout de suite ? Non, rassurez-vous. Deux boules de crème glacée, eh bien, ça apporte 100 calories. Donc, c'est pas le... Oui, mais peu importe le parfum ? Oui, mais un pot chaque soir devant la télé. Ah là. Vous connaissez le slogan, hein, revoyez votre ami modération. Oui, c'est ça. Mais c'est la teneur en sucre qui peut jouer, c'est plus la teneur, ça. Essentiellement, ouais. C'est la teneur en sucre. Et dans le cas de la crème glacée, eh bien, le peu de matière grasse, les 8% minimum provenant de la graisse du lait, en l'occurrence. Mais consommer une glace de temps en temps, franchement, du point de vue calorique, ce n'est pas du tout énorme. C'est 100 calories par rapport aux 2000 à 2500 calories quotidiennes. Bah, c'est vraiment... Alors ça va. Et on va terminer avec les glaces ambulantes, parce que c'est vrai que ça va faire le tour. Ouais, c'est Guy le marchand de glace, mais il y a quelques conseils quand même pour éviter les désagréments. Hein. Parce que c'est vrai que généralement, la qualité hygiénique des glaces pré-emballées, elle est très bonne. Hein. Ouais. Mais malheureusement... il n'en va pas toujours ainsi des glaces, soit vendues à la boule ou des soft ice en distributeurs automatiques. Alors, quelques conseils ne sont pas inutiles. Alors, d'abord, c'est de s'assurer que les bacs de glace sont bien dans un comptoir réfrigéré et aussi protégés d'une vitre vis-à-vis du consommateur. C'est mieux, hein. Deuxième conseil, et ça ne vous étonnera certainement pas, c'est de faire attention à la pince à boules. Ah ben oui, est-ce que l'eau est régulièrement changée ? Voilà, idéalement, elle devrait être rincée à l'eau courante entre chaque service et ne pas séjourner dans ce que j'ai coutume d'appeler une eau plutôt laiteuse. Hein. Ouais, ça c'est clair. Et enfin, pour ce qui concerne les distributeurs de soft ice, eh bien, assurez-vous qu'ils sont parfaitement nettoyés, qu'ils ne sont pas exposés en plein soleil. Et enfin, ça va peut-être vous étonner, mais c'est qu'ils ne se trouvent pas au bord d'une voie de circulation. Oui, j'allais dire. Trafic. Oui, effectivement, parce que ça a besoin de l'air. Ça a besoin de l'air. Et si la circulation est à côté et qu'il y a de la pollution. Eh bien, on pompe l'air de l'extérieur. Donc, on se méfie, voilà, pour les bons conseils. Pour le moment, ce n'est pas ça qui glace. Nous pompe l'air. Hein. Ça, c'est sûr. Merci Robert pour vos conseils. Avec plaisir. Johnny Hallyday à suivre. Et une chanson pour sa petite fille, qui est bien grande aujourd'hui. Hein. Qui a dû manger de la glace avec Papoulet. Ah, fonce, vrai. Seulement, quels étaient ses goûts préférés? C'est pas. Tu as le numéro de Johnny? Vanille, on va lui demander. Allez, demander. Chocolat. Appelle Johnny maintenant, s'il te plaît. Laura, il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Il y a tant de frères. Je ne te dirai pas. Oh, oh Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. Détour par la rédaction pour les titres de l'info. Derrière, on redonne un petit coup de fil à Fred de Borsu qui est toujours à Toulouse. Il nous parle des bons plans, mais il nous parle aussi de l'euro, du pognon que ça coûte de suivre les Belges. Tout ça, c'est dans quelques minutes. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Opération déstockage chez Big Mat Cataldo. Les blocs portes à prix d'usine. Des centaines de mètres carrés de parquet en promo. La nouvelle gamme de carrelage avec des remises de 30%. Prix aussi sur les bardages, bois de terrasse, dalles de jardin et meubles de salle de bain. Big Mat Cataldo, 16 rue Prébinet, à Liège, à 20 mètres du boulevard Poincaré. Bonjour, c'est Axel Witzel. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Hola días, garagisto. Mi air condicionas es no funciona. Condicionas? El erco. Sí. Ah, erco caso. Yo Miguel. Non, rien. On va se débrouiller. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen Skoda Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Vivacité et la Une présente les musicales de Belœil 2016. Place à la danse, 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. Un site d'offres d'emploi traditionnel, c'est que vous êtes un homme, que vous recherchez un emploi fixe en tant que ingénieur autour de Charleroi. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Alors, Stéphane, il aime travailler en équipe. Dans son boulot, c'est un as, il accorde une grande importance aux formations et il se rend de préférence au bureau à vélo. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Il est midi 30. La titre du journal avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À 13h, on savoure encore la victoire d'hier face à la Hongrie. Et quelle victoire hein, maintenant. Interdit de se reposer sur ses lauriers pour gravir l'étape suivante à Lille vendredi. Il faudra vaincre le Pays de Galles. Que vaut cette équipe? Eh bien, notre rédaction sportive vous la présente dans le journal de 13h. Et pour les accros au sport, une nouvelle compétition commence aujourd'hui. Wimbledon, 4 Belges montent sur le gazon. David Goffin, Ruben Bemmelmans, Kirsten Flipkens et Janina Wickmeyer. Le premier match commence dans une demi-heure. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic affronte l'anglais James Ward. Des dizaines de tracteurs et de fermiers à Luxembourg ce matin, ils viennent demander au ministre européen de l'agriculture, réuni ce matin, de prendre des mesures pour sauver les producteurs de lait, autrement dit, limiter la production pour leur permettre de vivre décemment de leur métier. Et puis on parlera aussi à 13h du CEB, de la sortie des Britanniques de l'Europe et un petit peu aussi de Game of Thrones. Le dernier épisode de la saison 6 sort aujourd'hui. On ne va pas le spoiler, on vous le promet. On en reparle dans le journal de 13h. À tout à l'heure 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. On s'en va sur des chemins différents, toi et moi. Mais qu'est-ce qui nous prend? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Tant qu'on tient debout, on s'en bat. La distance et puis tout ça, ça fait peut-être mal, mais rien n'est idéal. We'll be right back. extrait de l'album Idées Blanches, c'était Vianney. On est bien comme ça. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Nous étions à Toulouse tout à l'heure en direct avec vous, Frédéric Debourg. On parlait de bons plans pour les gens qui vont aller en vacances par là bientôt. Mais si vous êtes là-bas, c'est parce qu'il y avait aussi du foot hier. Et on va revenir sur ce bilan de l'Euro. Pourquoi ça marche autant? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plein de gens qui vont... Une ferveur depuis ces dernières années. Ouais. Pourquoi ça marche autant? Mais les audiences sont incroyables, hein. Beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes que pendant Mexico 86, où la Belgique a pourtant été en demi-finale de la Coupe du Monde, qui est encore un niveau au-dessus. Mais tout le monde n'avait pas la télé à cette époque-là. Hein. C'est ça, c'est noir et blanc. Et vous n'étiez pas né, Émilie. Et donc, les audiences ici, c'est les audiences historiques de la RTBF. La RTBF n'a jamais fait de si grosses audiences, tout programme confondu, dans l'histoire de la chaîne de télévision, alors qu'on dit que les gens regardent moins la télé aujourd'hui à cause d'Internet. Donc c'est totalement contradictoire, il se passe quelque chose d'invraisemblable. Alors il y a trois raisons. Et j'en parlais avec Jean-Michel Lewald qui est d'invraisemblable. Il y a trois raisons et j'en parlais avec Jean-Michel Lewald qui est japonais le long du stade. Si vous êtes attentif, vous voyez sur le bord terrain les pupons japonais. Ah bon? Ce qui n'a jamais. Bah, oui, qui sont évidemment à l'adresse du public japonais. J'ai pas européen, alors qu'il s'agit... Fais attention. Il s'agit de l'euro, et donc maintenant qu'on peut alterner les publicités, que c'est des déroulants, on peut évidemment modifier les pubs, et donc toute l'Asie se passionne pour cet euro. L'autre chose, c'est aussi que ça ressemble un peu à une série américaine. L'euro, ça dure un mois, comme les séries américaines, c'est sur 2-3 mois, on ne connaît pas la fin, il y a un gros suspense, avec de l'émotion et tout, et donc ça passionne les gens aussi parce que c'est de courte durée. Et puis il y a vraiment un élément très important, et c'est le plus important de tous, c'est le lien social dont les gens ont vraiment besoin aujourd'hui. Ils se rassemblent, ils se réunissent plus que jamais. Ils ont besoin de se rassembler un petit peu comme la Marche Blanche, mais ça c'était pour un élément et un événement très négatif. Ici c'est autour d'un événement qui n'a aucun intérêt en fait. Hein. L'euro, ça n'a absolument aucun intérêt en soi. Ça sert à rien, ça ne changera pas la vie des gens, comme le Brexit par exemple. Mmh. Ah, ça n'a aucun sens finalement. Mais les gens ont besoin de s'évader, de se retrouver ensemble dans un événement festif. Ici en plus en Belgique, on sort d'un climat très dur, comme en France d'ailleurs, et donc ça permet aux gens de se retrouver, de crier tous ensemble, de fraterniser avec des inconnus. Hein. On voit à Toulouse des scènes de joie, de bisous, même avec les supporters adverses. Hein. Les Hongrois hier, c'était devenu les meilleurs amis des Belges, même après. Mais alors ça marche bien aussi parce que c'est la France, c'est pas loin, puis les billets sont peut-être pas trop chers aussi. C'est clair. Alors vraiment, c'est un élément, vous avez tout à fait raison, Sébastien, vous êtes connaisseur en football. Évidemment. Les billets sont à 25 euros pour les supporters, les billets de base, même pour le 8e de finale hier, c'est pas cher du tout. Je vous disais, il y a des moyens de logement en France. Moi, j'ai logé à 37 euros la chambre cette nuit avec Abritel dans un appartement de grand luxe que j'ai trouvé sur Internet. Donc, il y a moyen d'avoir des super bons plans. Et les restaurants n'ont pas augmenté leur prix. Ça, c'est bien ça. Vous avez raison. Les bières et les plats sont pris normaux, sauf autour des stades. Il faut évidemment rester dans les centres-villes. Les centres-villes très agréables aussi. La France attire le monde entier. On sait que ce sera peut-être un petit peu moins le cas de la Russie dans 2 ans, puisque la Russie accueillera la Coupe du Monde. Les supporters russes ont été juste infects, en tout cas les hooligans, pendant cet euro, et c'est eux qui accueillent le prochain grand événement. Donc il faudra voir dans justement à part les hooligans russes, au niveau sécurité, et on oublie le premier match évidemment qui a défrayé la chronique, au niveau sécurité ça se passe relativement bien. Alors, il y a finalement assez peu de contrôle. Le premier match, moi j'étais surpris de voir des tireurs d'élite à Lyon pour Italie-Belgique sur le toit des tribunes, ça faisait un peu peur. Et depuis lors, la police est carrément invisible, elle est très discrète, ils chantent avec les supporters, on fait des photos, des selfies avec eux, les gens crient la police avec nous, we stand up for the French police, on se lève pour la police française, crient les supporters. Il y a aussi une fraternité de ce côté-là. Et les contrôles sont très discrets, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un pays en guerre comme on le pensait au début de l'Euro. Alors on imagine évidemment déjà un match Belgique-France au Stade de France pour la finale, ce qui est une probabilité de 1 sur 5 maintenant, donc ça devient une probabilité importante. C'est vrai que c'est un match qui pourrait entraîner un peu de peur vu les deux pays, vu l'endroit, mais pour l'instant vraiment c'est très très calme, très sympa, et les policiers jouent vraiment le jeu. On échange même des vignettes panini avec eux aussi. Alors en attendant le prochain match, c'est fin de la semaine, c'est à Lille, c'est à côté, et donc on a quelques bons plans peut-être. Il y a un engouement, les places au marché noir sont en train de s'envoler sur le site Viagogo, qui est le site le plus sérieux de revente au noir. Illégal d'acheter au noir, hein. Sauf qu'il n'y a pas de contrôle sur le nom des acheteurs, donc c'est un peu contradictoire, parce qu'en même temps on ne peut pas le faire, en même temps tout le monde le fait, et il n'y a pas de contrôle sur le nom des titulaires de billets, donc on peut rentrer dans les stades sans problème. Les billets sont à 400 euros pour l'instant pour ce match Belgique-Galles. Il y a encore des places, mais il faut mettre le prix, quoi. Il faut mettre le prix au marché noir, Belgique-Galles. Il y a encore des places, mais il faut mettre le prix, quoi. Il faut mettre le prix au marché noir et aller à la fan zone. Ça va être noir, jaune, rouge. Ça va être juste incroyable. Cette journée à Lille du 1er juillet. Allez-y tôt, même si vous n'avez pas de billets. Alors vous en trouverez peut-être sur place ou pas, peu importe. Vous allez voir le match à la fan zone qui est au centre-ville de Lille, qui est une très très belle fan zone. Et rien que là, il y aura une ambiance juste hallucinante toute la journée. Vous allez vivre des moments de folie et vous rentrez le soir chez vous. C'est ça le meilleur plan. Puisque finalement, il n'y a pas besoin de loger sur place. On est comme Lille, la Belgique. Ouais, d'accord. C'est une petite balade. Mais allez-y. Même si vous n'avez pas de billets, allez-y. Vous allez vivre une ambiance de l'euro à côté de chez nous. C'est une chance incroyable que la Belgique joue son quart de finale contre le Pays de Galles, qui a même des supporters super sympas là-bas. Donc Belgique-Galles à Lille, ça a mis une finale contre le Pays de Galles, qui a même des supporters super sympas là-bas. Donc Belgique-Galles à Lille, ça a mis une finale. Frédéric, merci pour ces comptes rendus et ces bons plans, Fred. On va marquer une pause, nous, de notre côté. Et après, on va venir sur une première mondiale, Anne-Laure. C'est une tondeuse pour gazon synthétique. On se demande un petit peu à quoi ça comment sert. Comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne, mais surtout, à quoi ça sert. Découvrez l'exposition de Salvador. Tout à quoi ça sert. Découvrez l'exposition de Salvador. La grande expo jamais réalisée sur ma vie et mon œuvre fantasmagorique à découvrir dès le 27 février à la magnifique gare de Guimen à Liège. Avec le soutien de Vivacité, La 3, Le Vif, Knack, La Meuse, vous, BMW et Télépro. Info, expodali.be. Vivacité et La 2 présente Ouvaphonique au Bodestival. Plus qu'un concert, un univers à explorer. Le Bodestival, c'est aussi Christophe Willem, Quentin Mosimane, Charcot, Grand Georges et les Frérots de la Vega, parmi une vingtaine de concerts, du 8 au 10 juillet, en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net. Réservez vos places sur bodestival.be. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout, en plein air, animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et La Meuse. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. Connaissez-vous le restaurant Fingal à Charneux? Situé en pleine nature, Paul Knott vous régale en vous proposant une cuisine française et régionale avec une petite touche en plus. Retrouvez la carte sur Localizy et réservez vite. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. free. Send my love to your new lover. C'est le nouveau Adèle sur Viva. Send my love to your new lover. C'est le nouveau Adèle sur Viva. On aimerait bien les tondre la pelouse, mais en ce moment, Anne-Laure, il faut quand même sauter sur sa tondeuse entre deux averses. Ça n'est pas simple. Oui. Sauf que moi, j'ai une autre solution, c'est d'opter pour le gazon synthétique. Parce que le gazon synthétique, c'est pas uniquement réservé aux terrains de sport comme le foot, le hockey ou le tennis. Non, certains particuliers optent pour cette solution pour avoir un gazon toujours nickel. Et ça s'entretient comment, un gazon synthétique? Eh bien, personnellement, je pensais que ça ne s'entretenait pas. Un peu de Javel de temps en temps. Un peu de Javel. Ouais, c'est... Eh ben si, ça s'entretient. Faut une tondeuse? Une tondeuse pour herbes synthétiques. Mais non. Ne riez pas. Mais ça ne pousse pas, le gazon synthétique. Ne vous moquez pas. Ouais. C'est une première mondiale et c'est une invention belge, s'il vous plaît, Cocorico. Ah. Le premier robot pour l'entretien de l'herbe synthétique existe et on a un représentant de la société qui l'a créé. Au bout du fil, c'est Nicolas de Geiter qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça, sérieux, ça pousse le gazon synthétique? Non, pas du tout. Non, la synthétique ne pousse pas. Mais pourquoi vous faites une tondeuse alors? C'est un robot. C'est un robot d'entretien. Voilà. C'est quoi? Je vous propose une petite mise en situation. Allez-y, on ferme les yeux. Écoutez, voilà, ce matin, vous vous êtes réveillé. Un peu la terre un peu plus lourde, voilà, il y a eu le match. Et vous descendez les escaliers et vous retrouvez devant vous la moquette de la veille, plein de chips. Oui. Là, vous vous rappelez, voilà, la fin du match, c'était le petit salto. Oui, c'est ça, avec le paquet de chips en main, d'accord. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On passe l'aspirateur. Oui. Eh oui, voilà, c'est la même chose pour les synthétiques, pour terrain sportif. Ah, donc c'est quoi? Voilà. C'est pas une tondeuse, c'est un aspirateur, quoi. C'est un mix de tout ça. On ramasse les crasses, tout à fait. Et ça redresse les brins d'herbe synthétique? Tout à fait. D'accord. Alors comment on faisait avant? Parce qu'il y a toujours, enfin il y a depuis longtemps des terrains en herbe synthétique. Donc on faisait comment avant que cette machine n'existe, puisque c'est tout nouveau? Bah écoutez, ça se faisait avec des grands tracteurs. Avant que cette machine n'existe, puisque c'est tout nouveau? Bah écoutez, ça se faisait avec des grands tracteurs. Chez à 35 000 euros. Ah oui, quand même. C'est un ustensile intéressant pour les grands investissements. Vous visez qui comme les clubs sportifs essentiellement? Tout à fait. Les clubs sportifs, la région, les clubs de sport privés. On est, pour vous donner une petite idée, en région wallonne, 43 millions d'euros ont été investis la dernière législature, juste en terrain sportif. Donc il s'agit de 87 grands terrains de foot, de rugby, de hockey. Ouais. Et donc c'est là en fait qu'on espère pouvoir vendre nos robots, car la région wallonne en 2015, ils ont été en discussion dans le Parlement et il s'est avéré qu'il y a quand même quelques soucis. Donc les terrains, c'est des gros budgets. Ouais. Mm-hmm. Et le budget entretien fait partie évidemment du lot. Budget. Alors seulement 10 appareils vont être construits, produits cette année, c'est ça? Oui, 2016. Ils sont entièrement produits chez nous, hein, tout? Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est vraiment un brevet belge. Mais c'est étonnant qu'on n'ait pas encore inventé, comme dit alors, les terrains. Brevet belge. Mais c'est étonnant qu'on n'ait pas encore inventé, comme dit alors, les terrains pour s'occuper de redresser les brins et nettoyer le terrain en même temps. Tout à fait, mais c'est comme vous, on est étonné aussi. Donc voilà. Donc nous, ça fait depuis 3 ans qu'on est sur le projet. Ouais. On a, en 2014, on a déposé un brevet. Et là, on sort avec le tout nouveau produit et qui est tout à fait fabriqué en Belgique. Et on espère que, en tant que région vraiment propice pour les terrains synthétiques, on puisse démarrer d'ici une nouvelle technologie. Alors, moi, je pense aux particuliers, parce que je riais tout à l'heure en disant on va opter pour le gazon synthétique à la maison, parce qu'au moins, ça restera beau et il faudra pas tondre. Est-ce qu'une machine comme ça pourra être adaptée pour des particuliers? Genre un peu moins cher. Genre beaucoup moins cher que 35 000 euros. Oui, bien sûr. Non, c'est dans les plans futurs, bien entendu. Oui. D'accord. Ah bah écoutez, merci c'est... en tout cas Nicolas c'est... de Gaeta. Parce qu'au début, quand on nous a dit tondeuse pour gazon synthétique, on s'est dit, et puis quoi après, tondeuse pour le macadam, pourquoi pas non plus hein, finalement. Mais non, c'était vraiment qu'il y avait un but là derrière. Je ne savais pas que les terrains, il fallait... Oui, il y a des trucs qui se mettent entre les brins. Et ça fonctionne comme les tondeuses qu'on met à la maison pour l'herbe, la vraie herbe, et qui fonctionnent toutes seules. Hein, voilà, c'est ça, ça fonctionne tout seul. On a découvert un truc, c'est étonnant. Si vous voulez réagir, c'est sur la page Facebook aussi, ça se passe. Sur cette page Facebook, on y retourne dans quelques minutes pour dire le coup de gueule. On a déjà un coup de gueule. On a déjà un coup de gueule de Simon ou Michel, je ne sais pas, enfin l'un des deux. On lit ça dans quelques minutes. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Tifosi e aficionados del Belgio, ecco il nostro primo grande incontro dell'Euro 2016. Italia-Spagna, lunedì sera, in diretta su La 2, Vivacité e rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Oh, un nouveau smartphone. Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil. Ah, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your till dawn. You don't need experience to turn me on. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. I'm gonna show you what it's all about. You don't want. Me. You can't be too 86 quand même. Hein. Ah, ça ne nous rajeunit pas assez. Eh ben, c'était l'époque de Mexique-Belgique. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tu dis. Prince avec Kiss. Qu'est-ce qui devient Prince? Ah, malin. Oh, ouais. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Pas des pigeons. Comme chaque jour, on referme cette émission en faisant un petit détour par la page Facebook de l'émission. Il y a un coup de gueule, il est signé Simon, il est signé Michel, Simon Michel. Voilà. Alors c'est un coup de gueule en plus de saison. Non, il ne nous parle pas du temps, mais il nous parle de la déclaration fiscale. Il nous explique que depuis quelques années, il déclare ses impôts via le site TaxOnWeb, ce que vous êtes peut-être occupé à faire d'ailleurs maintenant. Il nous dit qu'entre-temps, une opportunité m'a permis d'acquérir une habitation qui entre en compte dans cette fameuse déclaration fiscale. Sauf qu'après avoir introduit toutes ses coordonnées et finalisé l'opération par le calcul de la fameuse douloureuse, il a reçu ce message. Le module de calcul n'est pas encore disponible. Néanmoins, il est possible de soumettre la présente déclaration. Alors, il trouve ça quand même un petit peu fort de ne pas pouvoir faire la simulation, de soumettre une déclaration qui est impossible de calculer. Enfin, bref, comment fait le fisc pour calculer nos impôts, nous demande-t-il. Cela semble aberrant, je dirais même douteux. Je vous écris donc pour vous faire part de mon sentiment et pour vous permettre de diffuser cette information au monde entier. Mais on peut poser la question. Demain, on a un spécialiste qui va nous parler de ces déclarations fiscales entre 11 et 13 heures. Soyez là, évidemment, si d'ici là vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook, mais pas que sur Facebook. Non, il y a la page, évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Vous pouvez également nous envoyer un SMS, si vous le souhaitez, au 30 63 pour 50 centimes le message. Vous pouvez également nous laisser un message vocal, si vous le souhaitez, ça se passe au 070 222 660. Et enfin, dernière possibilité, c'est le mail pigeon@rtbf.be. La suite sur Vivacité, c'est Thomas Leridès qui prend le relais dans La Vie du Bon Côté. Bonjour Thomas, on parle de quoi avec vous? On parle d'hypnose, est-ce que quelqu'un s'est fait hypnotiser du côté de chez vous? Ça marche pas. On a reçu Mesmer dans l'émission il y a quelques temps. Inhypnotisable. Ouais, vous savez que Mesmer, c'est pas le grand ami de notre invité cet après-midi parce qu'elle y croit pas trop en même temps. Ah, elle dit que c'est pas le même type d'hypnose. Elle croit pas trop à l'hypnose, elle vient parler d'hypnose. Si, mais pas l'hypnose de Mesmer, d'accord. On va dire ça comme ça. Vous n'entendez que ma voix, Thomas. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Non, c'est pas trop le moment, Émilie. Pas trop. L'hypnose, donc, au cœur de notre émission cet après-midi. Si vous l'avez jamais fait, vous ne savez pas franchement dans quel type d'état on se met, ce que l'on cherche réellement avec la pratique hypnotique. On va en parler cet après-midi à partir du livre de Virginie Thioux, Voyage en mer intérieure, une guérison par l'hypnose. L'histoire, c'est celle de l'auteur, Virginie, une éternelle malade qui souffre, entre autres, de douleurs pelviennes insupportables. Et après la naissance de son premier enfant, elle rencontre un chirurgien. Précurseur dans le domaine de l'hypnose thérapeutique. Et avec lui, elle va découvrir le secret de sa propre naissance et surtout, elle guérit du jour au lendemain d'une partie de ses douleurs, une véritable renaissance. Elle nous en parlera tout à l'heure, mais vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez déjà testé l'hypnose ou encore l'auto-hypnose? Au fil de vos séances, est-ce que vous avez découvert des choses inconnues jusque-là pour vous? Comme vous le dira d'ailleurs pour elle aussi notre invitée tout à l'heure, est-ce que vous avez retrouvé des racines comme elle? Est-ce que vous avez pu mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X? Jusque 15h, vous pouvez intervenir dès maintenant par téléphone 070 23 33 23, par SMS également, c'est à l'écrit au 30 63 50 centimes. Il y a aussi la page Facebook de La Vie du Bon Côté. Pour commencer à nous laisser déjà vos réactions, on a des commentaires, on les lira et on les partagera tout à l'heure. La conversation, c'est promis, commence après les infos de 13h et la météo. Bonne journée à tous. Encore pas mal de nuages, quelques épisodes de bruine ou de très fine pluie, quelques rares éclaircies, bref, une météo assez mitigée, mais qui ne nous donne pas vraiment un parfum d'été. Les températures iront de 16 à 19, voire localement 20 degrés pour aujourd'hui, avec un vent faible à modéré de secteur ouest. La nuit prochaine, formation de quelques brumes. On commencera demain avec un temps plutôt sec. Le risque de bruine reprendra plutôt demain en fin de journée. Mercredi, ce sera l'inverse. Matinée avec un petit peu de bruine, l'après-midi au sec et les températures qui ne bougent pas par rapport à aujourd'hui. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Bien joué contre la Hongrie. Les Diables débarquent en quart de finale de façon magistrale. Ils affrontent vendredi le Pays de Galles, équipe à ne pas sous-estimer, loin de là. Des dizaines de tracteurs et de fermiers à Luxembourg ce matin, ils ont demandé au ministre européen de l'Agriculture, réuni en Conseil européen, de limiter la production pour assurer des prix décents. Le Brexit ne se fera pas dans la précipitation. Les Britanniques ne quitteront pas l'Europe en vitesse. Ni les Anglais, ni les Européens ne le souhaitent. Les Britanniques de Belgique, eux, ne traînent pas. Ils demandent depuis vendredi la procédure à suivre pour être naturalisés en Belgique. 13 heures. À suivre pour être naturalisés en Belgique. 13h avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On savoure, on déguste, on adore.